Nico Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 11 juillet 2018. Voici les grands titres de cette édition. Ce 11 juillet, c'est la journée internationale dédiée à la population, l'occasion pour les institutions impliquées dans sa régulation de faire le point. L'Institut des statistiques du Burundi projette la population burundaise à 11 millions cette année, soit 350 000 habitants par kilomètre carré selon l'organisation Parsem. Et le FINUAP note une progression en matière de planification familiale. La situation sécuritaire dans les enceintes du campus Mutanga à l'Université du Burundi reste préoccupante, même si les autorités se veulent rassurantes. Selon le président de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes, il faut prévenir la violence car le climat de méfiance qui se remarque entre les étudiants rappelle les crises qu'a connues l'université les années passées. Et toutes les personnes franchissant la frontière entre le Burundi et la RDC en provenance de ce voisin de l'Ouest devront subir un dépistage du virus Ebola à la frontière Gatumba où sont postés des médecins chargés de cette activité. C'est un reportage que vous allez suivre. Voilà pour le sommaire. Une femme appelée Ngurikiye Mariamo a été blessée la nuit dernière dans le quartier Ngayamba de la ville de Rumonge lors d'un jet de deux grenades offensives dont l'une n'a pas explosé. La police à Rumonge dit avoir déjà commencé les enquêtes pour tenter d'identifier les auteurs de ce forfait tout en rappelant la population à la vigilance. La population de Rumonge a procédé à la destruction de ce mercredi matin de cette grenade qui n'a pas explosé. Et certaines communes de la province Muyinga ont une densité de la population dépassant les 500 habitants au kilomètre carré. Au moment où son 11 juillet, l'on célèbre la journée dédiée à la population, le responsable des services de l'état civil à Muyinga annonce que pour faire face à la menace de la démographie galopante, les habitants sont régulièrement sensibilisés sur les problèmes de la natalité non maîtrisée. Nous appelons notre correspondant Dieudonné Nzeyimana pour plus de détails. Les communes qui dépassent les 500 habitants au kilomètre carré sont Gasogwe avec une densité de 600 habitants au kilomètre carré, Kasho avec 581, Giterani avec 570 et Muyinga avec 500 habitants au kilomètre carré. Et densité énorme dans une province de plus de 800 000 habitants et une moyenne de 487 habitants au kilomètre carré d'après les statistiques provinciales de la population depuis 2018. Nicolas Chishahayo, responsable provincial des services d'état civil à Muyinga, cite entre autres conséquences de la densité élevée, les conflits fonciers, la demande toujours croissante des services sociaux. Ce service d'état civil met en avant les sensibilisations de la population pour une prise de conscience des effets d'une démographie non maîtrisée. À chaque descente dans les communes, des conseils sont prodigués sur la planification familiale, conseils également donnés à tous ceux qui sollicitent les services d'état civil au bureau. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population, les services d'état civil à Muyinga révèlent que de par les données des enfants inscrits au cours des deux dernières années, les mentalités évoluent. En 2017, autour de 17 000 enfants ont été inscrits, alors qu'en 2016, c'était plus de 35 000 enfants. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné, on reste sur ce dossier pour redire que l'ONG locale, le Parsem, appelle au gouvernement burundais à bien planifier la politique dite de population. Les Burundais sont estimés actuellement à 350 habitants par kilomètre carré, pardon, selon le président de cette organisation. Faustin Dikoumana précise que l'espérance de vie est inférieure à 50 ans. Il propose 3 enfants par femme, alors que selon lui encore, aujourd'hui, une femme burundaise met au monde 6 enfants ou plus en moyenne. Les terres cultivables se réduisent considérablement depuis des années. Suivez plutôt Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem. On se demande, tenant compte de la croissance continue de la population, est-ce que nous pourrons vraiment, par exemple, continuer à nourrir notre population qui augmente? Par exemple, qui risque même de doubler 2025 de par les données de 2008, alors que la surface cultivable s'amenuise de plus en plus. Tenez par exemple, on avait 1,5 hectare par ménage en 1960, 1 hectare par ménage en 1973, 0,5 hectare par ménage en 2009. On projette 0,2 hectare par ménage en 2025. Est-ce qu'on pourra continuer à nourrir cette population qui augmente? La surface cultivable diminue, mais la population augmente. Qu'est-ce qu'on aura investi? pour lutter contre cette magnitude, par exemple. Si on constate le risque, on va dans la politique de maîtrise de cette croissance. Cette politique de maîtrise est associée à des indicateurs comme le taux de fécondité. Il faut avoir combien d'enfants par femme pour quand même continuer à vivre mieux, pour continuer, pour parvenir à nourrir nos enfants, à les soigner. Il faut un taux de croissance de la population à quel niveau? Quel taux de prévalence, par exemple, contraceptive? Moi, je proposais taux de fécondité de 3 enfants par femme, par exemple. L'autre élément fondamental, c'est cette classe politique aujourd'hui qui est toujours minée par des intérêts sectaires, qui ne se libèrent pas du passé pour regarder vers l'avenir, pour donner une vision à ce pays. La population au Burundi, tu donnes l'idéal de ce que tu veux être, que la population soit. Et puis tu vois les moyens dont tu disposes, la croissance, les ressources naturelles. Et si je suis capable, pour que l'idéal ça arrive, je dois alors faire la maîtrise de la population à autant et commencer à mobiliser les moyens. Faustin Ndikumana, c'est le président de l'organisation PARSEM, l'Institut des statistiques et des études économiques du Burundi, trouve que la population burundaise s'estime à plus de 11 millions selon les projections démographiques. Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'ISTEBU, annonce qu'un autre recensement des Burundais aura lieu en 2022, après celui de 2008, pour se conformer aux lois de la communauté est-africaine. Il demande cependant aux Burundais de songer à la réduction de la vitesse de reproduction, car, explique-t-il, une croissance démographique galopante entraîne des conséquences énormes. Suivez-le, il est au micro d'Elinibel Nibigira. Au niveau du Burundi, en utilisant les projections démographiques, nous voyons que la population burundaise au cours de cette année 2018 est estimée à 11 772 322. Donc, c'est que la population burundaise en 2018 se situe entre 11 500 000 et 12 millions. Qu'en est-il du récent recensement? Le récent recensement a été réalisé en 2008. On devrait, conformément aux recommandations internationales en matière d'organisation et de réalisation des recensements généraux de la population et de l'habitat, on devrait faire un nouveau recensement au cours de cette année 2018. Donc, vous allez me poser la question pourquoi alors on n'est pas en train de préparer ni en train d'exécuter le recensement de 2018. La raison est politique et technique. Au niveau des pays membres de la communauté est-africaine, on a décidé d'harmoniser que ce soit la méthodologie, que ce soit la période et les cycles de tenue des recensements au sein de la communauté est-africaine. Et les pays ont décidé que ce recensement sera réalisé en 2022. En 2008, la population burundaise était estimée à 8 millions et demi. Et en 2018, les projections nous montrent que nous sommes à 11 700 000. En moins de 10 ans, la population burundaise a augmenté de 3 millions et plus. C'est vraiment une démographie pour laquelle il faut prendre des mesures. Les conséquences sont multiples de cette croissance démographique. Je pense qu'il faut intensifier la sensibilisation pour l'utilisation des méthodes contraceptives et espacer les naissances. Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'ISTEBU. Et le Burundi a enregistré des progrès en matière de planification familiale volontaire depuis 1987. Ceci est annoncé par Richmond Thiemoko, c'est le représentant burundi du Fonds onusien pour la population, le FINUAP. Suivez-le. Au Burundi, les résultats des différentes enquêtes démographiques et de santé prouvent que des progrès considérables et significatifs en matière de planification familiale volontaire ont été enregistrés. En effet, le pourcentage de femmes actuellement en union qui utilisent une méthode contraceptive est passé de 9% en 1987 à 22% en 2010 et à 29% en 2016. Toutefois, il existe encore des besoins non satisfaits en planification familiale qui restent très élevés et stagnants à 31% depuis 2010. Ce pourcentage représente les femmes qui souhaitent prévenir une grossesse, mais elles-mêmes ou leur partenaire n'utilisent cependant pas une méthode contraceptive pour diverses raisons, notamment les services de qualité qui ne sont pas toujours disponibles au moment opportun, les choix offerts par les formations sanitaires qui sont limitées, la stagnation ou la crainte d'une discrimination sociale, l'absence de communication entre les parents et les enfants sur la vie sexuelle saine et responsable, la stigmatisation ou l'opposition d'un partenaire. Richmond Tiemoko, représentant du FUNUAP au Burundi. Nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. La radio de l'avenir. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement au campus Mutanga de l'Université du Burundi n'est pas à négliger car elle rappelle les crises qu'a connues l'université dans les années antérieures. C'est la déclaration du président de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes, une association aussi implantée à l'Université du Burundi. Aloïse Watungwanayo indique que les responsables de cette institution devraient plutôt s'asseoir ensemble et trouver une solution à ce problème qui risque d'entraîner de nouvelles violences. C'est une situation qui rappelle surtout les moments difficiles que l'Université du Burundi a connus depuis les années 70, où il y a eu des pertes humaines, suite bien sûr aux chicaneries ethnico-politiques. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a justement ce climat malsain entre les étudiants, où on constate qu'il y a déjà les groupes qui se sont formés, et si on n'y prend pas garde, les choses risquent de tourner mal, mais je ne pense pas que les choses vont arriver jusque là. Aujourd'hui, il y a les étudiants qui craignent pour leur sécurité au moment où les responsables de l'université affirment que la sécurité est bonne au campus. La sécurité peut être bonne dans l'apparence parce qu'il n'y a pas des grenades qui sont jetées ici et là. La sécurité peut être bonne parce qu'il n'y a pas de crépitements d'armes au sein du campus ou au sein de l'université. Mais dès lors qu'il y a la formation des groupes, on a entendu qu'il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ont été pointés du doigt par des tracts, mais il y a également de l'autre côté des gens qui sont pointés du doigt qu'ils organisent des rondes nocturnes. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a deux groupes, si pas plus, qui se voient en chier de faïence. Ça, c'est déjà un signe qui montre que on est dans le cheminement vers les violences. Il faudra que les autorités académiques, des autorités sociales, mais aussi des autorités sécuritaires trouvent une solution adéquate en ayant d'abord trouvé la cause, parce que on ne peut pas trouver une solution sans que on est au courant de la cause. Aloïse Watungwanayo, c'est le président de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes. Toute personne en provenance de la République démocratique du Congo est autorisée à franchir la frontière burundo-congolaise, mais doit d'abord subir un dépistage du virus d'Ebola à la frontière Gatumba. Les médecins chargés de cette activité possèdent un seul appareil pour le dépistage de ce virus. C'est un constat de notre reporter, Vestine Utoi. Arrivé à la frontière burundo-congolaise à Gatumba, communément appelée Gatumba Kavimvira, des personnes en provenance de la République démocratique du Congo sont alignées tout juste à côté du pont Rusizi 2. Elles sont accueillies par deux médecins, parmi lesquels un seul possède un appareil de dépistage du virus d'Ebola appelé thermoflash. En faisant son dépistage, on approche cet appareil au visage de la personne et puis cet appareil sonne pour indiquer le résultat. C'est là où la personne peut dépasser cette frontière. Certaines personnes qui ont subi son dépistage considèrent cet acte comme une perte de temps, puisque la même personne est examinée chaque fois qu'elle franchit cette frontière. D'autres croient que ce dépistage est réservé aux étrangers seulement. Ces médecins indiquent que ces citoyens n'ont pas encore compris qu'ils peuvent être contaminés par ce virus qui s'est déjà manifesté en République démocratique du Congo. C'est ainsi que la personne qui a subi ce dépistage la veille accepte difficilement de le subir encore le lendemain, arguant que les résultats étaient négatifs. C'est pour cela que certains franchissent la frontière clandestinement sans avoir subi ce test, indiquent ces médecins. Tous les dépistages déjà faits n'ont pas encore détecté une personne porteuse de ce virus. Ces médecins se trouvent sur cette frontière après la déclaration de ce virus dans la région de l'Équateur en République démocratique du Congo. Vestine Boutoui, la Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi, Sénac, Murima Wissangi, déclare qu'ils suivent de près le problème de certaines sociétés qui n'ont pas encore payé les caféiculteurs. Joseph Nirabama, président de cette confédération, précise que la Sogestal Ngozi a des difficultés avec les banques, ce qui est à l'origine du retard dans le paiement des caféiculteurs. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Gertrude Mawenayo. L'appel est des caféiculteurs de la province de Ngozi, qu'on n'a pas encore payé, est fondé parce que la date limite de paiement était le 25 juin. Mais on observe certaines sociétés qui n'ont pas encore payé les caféiculteurs. D'après les informations que nous avons, il y a un problème de financement entre sa banque et la Sogestar. La question est connue au niveau ARFIC et au niveau de notre ministère, soit le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et le ministère des Finances. Et je pense que dans des jours à venir, l'ARFIC peut convoquer une réunion de tous les dépulpaires pour faire une évaluation, afin de savoir le pourquoi. Je tranquillise les caféiculteurs d'Ngozi et d'autres caféiculteurs qu'on n'a pas encore payé, que la question est connue. Nous avons déjà transmis ce rapport aux hautes autorités du pays et nous pensons que la solution va être trouvée. Et quant à la question d'achat de café à un prix inférieur à celui reconnu par la loi, Joseph Niraba m'a dit que c'est une sorte de vol à l'endroit des caféiculteurs et cela peut les décourager, surtout en cette période de paillage des caféiers. Suivez encore une fois Joseph Niraba. Nous avons des informations qu'il y a certains dépulpeurs qui sont en train de payer 250 francs au kilo de cerises, alors qu'on observe deux différentes qualités de café. Il y a la cerise A qui est achetée jusqu'aujourd'hui à 500 francs et la cerise B qui est achetée à 250. Mais maintenant, certains dépulpeurs sont en train de payer pour toutes les catégories de cerises 250 francs. La question est très connue. Nous sommes au courant et nous avons transmis cette question à l'ARFIC. Et je pense que bientôt, le DG de l'ARFIC va convoquer une réunion pour ça. Et la solution va être trouvée bientôt. Cette situation de retard dans le paiement des caféiculteurs, est-ce que vous ne voyez pas qu'elle peut décourager ces caféiculteurs dans l'entretien de cette culture? Oui, parce que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire l'entretien dans les caféiers. On est entré maintenant dans une campagne de paillage. On est entré d'acheter l'engrais qu'on va utiliser au mois de novembre et octobre. Et quand on n'a pas payé, on ne peut pas acheter tous ces intrants. Ça peut aussi dissuader les caféiculteurs qui sont allés. Je lance un appel aux caféiculteurs d'attendre un peu, puisque la question est connue, on va essayer, mais vraiment, ça va handicaper les travaux d'augmenter la production du café. Je pense que l'État va prendre des décisions en conséquence. Et l'exploitation des boisements est excessive dans la province de Karusi, comme le confirme le responsable de l'Office burundais de protection de l'environnement dans cette région. Il déplore la complicité des agents de la police, comme le rapporte notre correspondant Blaise Pascal Kararumi. Le responsable provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Karusi demande à la population l'installation et la préparation des pépinières, des arbres de tout genre dans toutes les collines pendant la présente saison sèche. Il demande aux responsables de l'administration une grande sensibilisation pour la réussite de cette protection de l'environnement. Philippe Ndouimana confirme une exploitation excessive des produits de l'environnement dans cette province et en particulier l'exploitation du bois. Il explique que les habitants soit actuellement le bois, sans même attendre qu'il soit à terme, car il compte sur ses boisements comme source d'argent pour survivre, explique-t-il. Cette exploitation excessive se manifeste par la circulation pendant les nuits avancées de plusieurs camions qui chargent du charbon et des planches dans certaines collines, et ce responsable de l'environnement déplore que la plupart des fois, ces commerçants ne sont pas en ordre avec la loi régissant l'environnement. Il demande à la police et aux administratifs d'aider pour le respect de cette loi pour la protection de nouvelles générations, indique-t-il. Indiquant que cet état de fait est dû à une démographie galopante dans la province, les sources de l'état civil montrent que la population de Karusi augmente à raison de plus de la population de toute la commune de Mutumba durant une période de 2 ans, c'est-à-dire une commune de plus après seulement 2 ans. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Le reste de l'actualité en bref, 51 rapatriés composant 10 familles sont rentrés au Burundi ce mercredi en provenance du camp de Kakuma au Kenya. Cette information est donnée par Glorioso Berahino, chargé du rapatriement et de la réinsertion au ministère de l'Intérieur. La semaine passée, 48 personnes étaient rentrées de ce même camp. Selon les informations du HCR, 13 200 réfugiés se trouvent au Kenya. Et l'équipe nationale de football de moins de 20 ans a pris l'avion ce mercredi à destination de la Zambie. Elle doit participer aux matchs éliminatoires des pays qui vont affronter le championnat africain des enfants de moins de 20 ans qui se tiendra au Niger l'année prochaine. Le Burundi croisera le fer avec la Zambie ce samedi 14 juillet dans le match aller. Dans le cas de la victoire de cette rencontre, le Burundi sera qualifié à ce championnat. La formation burundaise de moins de 20 ans a déjà éliminé deux pays, à savoir l'Éthiopie et le Soudan. Et on termine ce journal en parlant du football mondial qui se déroule en Russie. L'équipe nationale de France, les Bleus, a validé ce mardi le billet pour jouer la finale. Et c'est après avoir battu la Belgique en demi-finale en but à 0, c'était hier. Ce soir, à 20h, l'autre équipe qui va affronter la finale sera connue à l'issue du match entre l'Angleterre et la Croatie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Également, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci aussi à Eric Owimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.